Déteste la police. Oui, salut, vous êtes toujours sur Radio Cayenne, vous détestez toujours la police. Et justement, en parlant de police et de cette engeance associée procureur, etc., je vais vous parler de Bure maintenant, et plus précisément de l'appel qui avait été lancé à une journée de balles de malfaiteurs, donc qui était appelée pour samedi 10 novembre. Alors pour rappel, les gens qui luttent contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires Cigéo à Bure en Lorraine sont depuis donc je crois que c'est septembre 2017 sous le coup d'une instruction pour l'association de malfaiteurs. Donc il y a eu depuis quand même un petit paquet de d'opérations policières notamment à Bure et aux alentours, mais aussi à Paris, etc. Pour rappel, le 20 juin 2018, il y a eu 14 perquisitions. Bon, en rapport avec des faits qui s'étalent de janvier 2017 à, on va dire, jusqu'à plus soif, quoi, puisque évidemment, ils mettent un petit peu dans cette instruction tous les actes de résistance qui peuvent avoir lieu contre ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Là, en juin dernier, le 20 juin, il y a eu donc 14 perquisitions. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est à cette occasion qu'il y a eu notamment un avocat qui a été perquisitionné. Donc ça avait un petit peu défrayé la chronique, même si on rappelle qu'un avocat, c'est un peu quelqu'un comme un autre. Hein. Il y a eu d'autres opérations de police en septembre et octobre 2018. On en parlait les semaines précédentes. Et donc, pour un petit peu visibiliser cet acharnement judiciaire et policier, les camarades ont lancé un appel à ce qu'il y ait des balles de malfaiteries un peu partout ce samedi. Et ça a plutôt bien porté ses fruits, puisqu'il y a eu des rassemblements quand même un petit peu partout, que ce soit Alès, Angers, Bar-le-Duc évidemment, Blois, Bourges, Colmar, alors un bled qui s'appelle Crassou, je savais pas que ça existait, c'est dans le département 12, je sais pas trop où c'est, Freiburg en Allemagne, qui d'ailleurs les camarades allemands ont envoyé sur le site nantes.indymedia.org une belle photo de leur banderole avec Fumi et tout. Alors la banderole, il y a marqué toutes malfaiteuses et nos castors, nos capitales, nos CGO. Alors pour rappeler, castors, ce sont les trains de transport de déchets nucléaires. Alors c'est à Freiburg, c'est ça? Ouais, il y avait une centaine de personnes. Voilà, La Rochelle, Lille, Lyon-de-Saulnier, Lyon, Metz, Montélimar, etc. Avec toujours plein de petits programmes. Paris, Rouen, Tarnac, Toulouse, Tours. Alors là, pour le moment, on n'a pas plus de retour que ça de tous ces rassemblements-là. Alors il y en avait un à Nantes, c'était à 17h place du Bouffet. Ce que je vais faire, je vais vous passer un petit extrait de l'ambiance qu'il y a pu y avoir. Thank you. Oui, donc voilà. Bon, c'était un petit peu plus vieux samedi à Nantes. Hein. On était une petite dizaine sous un barnum au début, mais grâce à la batouk, à l'ambiance qu'il y a pu y avoir, ça a quand même fini par meuter un petit peu de peuple. On a été jusqu'à presque une centaine. Donc à boire des coups. Donc il y avait la cantine de la ZAD qui était là, il y avait des journaux qui parlaient de la lutte à Bure, des affiches. Donc voilà. Il y a eu quelques chants aussi. Noi non ce li cambiamo, la libertà non viene senza la ribellione, con le frenze femministe, contro il macho padrone. Donc voilà, donc on a quand même pu profiter de cette soirée qui était assez chouette. Si vous voulez d'autres infos sur ce qui se passe à Bure, et que ce soit contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires ou contre la répression qui s'abat sur les personnes qui luttent contre, j'ai alors notamment un site à vous conseiller, c'est burburbur.info. Donc tout attaché, voilà. Contre la répression, donc par rapport à cet événement du bal des malfaiteries, il y a un blog qui a été monté aussi. Alors son adresse c'est nous sommes tous des malfaiteurs, donc tout attaché, tout en minuscules, sans accent, .noblogs.org. Et c'est assez drôle sur ce blog, il y a vraiment plein de contenu très très marrant. Alors il y a notamment, alors attention, je vais chanter. Il y a des petites chansons. Alors c'est assez marrant. L'État français sauta de joie après la bombe d'Hiroshima. L'État français sauta de joie après la bombe d'Hiroshima. Cette énergie, c'est du tonnerre, ouvrons la voie au nucléaire. Ah oui, vraiment, c'est bien l'État le malfaisant. L'État français dit mon argent passe avant la santé des gens. L'État français dit mon argent passe avant la santé des gens. N'en faites pas toute une affaire pour 3 becquerels dans l'atmosphère. Ah oui, vraiment, c'est bien l'État le malfaisant. L'État français ne broncha pas quand arriva Fukushima. L'État français ne broncha pas quand arriva Fukushima. Un tsunami, quelle malchance, mais on ne risque rien en France. Ah oui, vraiment, l'État français est malfaisant. Bon, il y a un certain nombre de couplets, on va pas tous les faire maintenant. Hein. Voilà. Donc voilà, bon, je dirais que c'est une affaire à suivre. Alors après, niveau, on va dire, policier et judiciaire, bon, pour faire... bon, je sais pas, ça fait finir par une note un petit peu moins gaie. Mais, alors je sais pas si vous vous rappelez de l'affaire de la caserne Jourdan à Limoges. Donc cette caserne de gendarmerie qui avait connu un petit incendie le 18 décembre 2017. Donc il y a une personne qui est en prison depuis, alors depuis 7 mois je crois. Donc qui est en préventive depuis ce temps-là, qui attend son procès. Et bah voilà, il y a aussi ce genre de choses. Sur le site laboc.info par exemple, ou sur nantes.indimedia.org, vous pouvez trouver des infos sur cette affaire-là aussi. Le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous, des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité, poisson charcutable. taillable et malléable. Et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonne pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça rien, on observe de près, de loin. Les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher. Et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage. D'intégrisme, d'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire. À coup de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le balancier hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu dont ils sont partie intégrante. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. L'extérieur est hostile, même entretenu par de valeureux paysagistes qui plantent des fleurs partout. Le pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver. Les émiratiens savent bien comme ces tortionnaires retraités. On tient à la baguette, un peuple heureux de travail. 4 générations de permis, c'est sans naturalisation. Des propagandes en liesse, couleur va fenaissesse. Non de cesse de confirmer, nous dire depuis tant d'années. Me parle plus de cohérence, s'il s'agit de marcher droit ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits. Je sais d'où je viens, où je vais, c'est suffisant pour moi. Et j'ai de leçons à recevoir de personne, dis-toi bien ça. La guerre est froide, voire de basse intensité. Qui souhaite nous prouver le contraire, prépare ses arguments. Vu la pègre et les requins qui scrutent sur les bas-côtés. Pas de raison pour nous de se comporter aimablement. Ils en prennent un pour l'exemple, une centaine file derrière. La dissuasion tient la rampe de l'autre côté de la barrière. C'est au pied du mur, pour qu'on ait les vrais dieux. Pour le reste, c'est ça que je mesurais le contenu du disque dur. Laisse derrière toi ceux qu'on décide de traîner le pas dans des guerres intestines entre coups dans le dos et coups bas. On n'a plus le temps pour ce genre de choses. Et pour les bâtons dans les roues, tu sais ce qu'on propose. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.